Jésus. Seigneur, nous te remercions ce matin pour la grâce. Merci Seigneur, nous sommes bénis et nous te disons merci ce matin. Tiens, merci pour ta présence qui est ici. Saint-Esprit, dispose nos cœurs pour recevoir cette parole. Seigneur, bénis nos voix par ta parole qui est efficace, qui est puissante. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Majesté. Oh, majesté. Majesté, majesté, oh majesté, majesté, oh majesté, majesté. Ta grâce m'a prise tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé, par ton amour, je suis transformé. Oh, en présence de sa majesté. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. Oh, en présence de sa majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Ta grâce m'a prise tel que je suis. Sans valeur, ta grâce m'a frappé, ta grâce m'a prise tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. Présence de ta majesté, majesté, majesté. Est-ce que tu peux lever les mains, dire majesté à Dieu, majesté, majesté. Nous élevons le Seigneur ce matin, nous élevons son nom. Oh, il est majesté. Il est majesté. Seigneur, prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle de tout cœur, de toute vie ce matin. Prends le contrôle de cet endroit, Seigneur. Remplis cet endroit par ton esprit, par ta puissance au nom de Jésus. Majesté, tu es assis sur le trône, tu es majesté dans nos vies, Tu es le Seigneur de nos vies ce matin. Seigneur, prends contrôle, Seigneur, de tout cœur, de toute vie, Seigneur. Au nom de Jésus, oh les bros et les bébés, que les chambres et les mamas. Oh les bros et les mamas, que la chambre et les bébés, les bébés. Yite les mamas, télé mamas, la mama, que la chambre. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Pouvez-vous asseoir. Pouvez-vous asseoir. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Et je sais que vous serez bénis. Alléluia. La présence de Dieu est là. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer. Peut-être terminer avec le sujet des démons, bien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et en fait, j'étais en train de penser, réfléchir un peu sur ce qu'on a le jeudi passé. Alléluia. Et j'ai réalisé que le Seigneur est bon. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. Est-ce que le Seigneur est bon? Ah, la Bible dit qu'il est plein de bonté. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir un peu. Alléluia. On a dit que qui a acheté le livre là cette semaine? La semaine là. Personne n'a acheté. Waouh. Waouh. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 28. Luc. J'ai juste quelques minutes, donc on a la Sainte Cène. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. C'est ça, non? Yeah. Luc chapitre 8, verset 28. Ayant vu Jésus, poussa un cri, se jeta à son pied et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Alléluia. Amen. Yeah. Verset 27 dit, « Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-delà de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. » Alléluia. Et verset 29 dit, « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps, et on le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. » Alléluia. Les démons entraînent. Et les démons te font que tu fais des choses anormal. Tu comprends, non? Yeah. Vivre dans le cimetière, c'est pas normal. Alléluia. Vivre dans le cimetière, c'est pas normal. Yeah. C'est ce que les démons font. Les démons font que tu vas boire beaucoup d'alcool. Et puis tu vomis, tu te couches un peu partout. Hein? Il y a la semaine, là, un collègue me donnait une histoire, quelque chose qui s'est passé. Il dit que la fin d'année, normalement les entreprises font des fêtes. Et ils ont fait la fête dans la maison du DG. Et puis le gars là a bu beaucoup d'alcool. Et puis après, il s'était couché dans un coin. Durant toute la fête, il n'a rien vu. Et puis on a fini, tout le monde est parti. Et puis le matin, il s'est levé le matin dans la maison du DG. Dans la maison du DG. Parce qu'il s'était caché pour se coucher. Donc personne n'a vu lorsqu'il était. Ils ont fini et puis quitté, rentré à la maison. Donc le matin, il s'est levé le matin et réalisé que je suis dans la maison du DG. Donc il a commencé à monter le mur. Et on l'a arrêté. Hein? Il voulait même. Je pense qu'il a même perdu son boulot. Hein? Et on l'a sanctionné. Est-ce que vous comprenez? C'est l'alcool. C'est le démon. C'est les démons qui font ça. Les choses anormales, c'est pas normal. Parce que tu vois une jeune fille, très belle jeune fille, qui court après les hommes, qui se tient à sec ou bien à Bécan quelque part dans la nuit, et il attend les hommes. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Yeah. Et la fois passée, il y a Pasteur Jérémy qui me disait que les jeunes filles francophones sont les jeunes filles francophones qui courent après les garçons. Yeah. Parce que je me plaignais et je disais non, il y a le gars là qui est en train de déranger cette fille là. Il m'a dit que je suis suicidé. Non, ce sont les filles plutôt qui font ça. C'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Vous comprenez? C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? C'est pas normal. C'est pas normal. Lorsque un jeune homme, lorsque une fille vient te faire la cour, c'est pas une bonne fille. Faut pas te marier à cette fille-là. C'est un homme qui va. Hein? C'est un homme qui va. C'est pas une fille qui vient. C'est pas normal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Et le jour-là, ce matin, ce démon va quitter. Alléluia. La présence de Dieu défie les démons. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit, qu'est-ce qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Qu'y a-t-il entre moi et toi? La présence de Dieu est là. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu est là, les démons n'arrivent pas à rester. Et donc il y a une présence, la présence de Dieu est ici ce matin. Dans les démons, il y a des démons qui sont dehors. Il y a des démons, lorsque tu rentrais là, il a dit non, ici là je n'aime pas, je vais rester dehors. C'est la vérité que je dis. Oh. Yeah. Et tu vas voir, il y a des démons qui sont restés à la maison. Lorsque tu as décidé de venir à l'église, ils sont restés à la maison. C'est pourquoi tu as dit que lorsque tu vas là, tu retournes, tu vas faire des résolutions. On apprend ça à la fin de l'année, c'est ça, non? En janvier, on va faire des résolutions. Même les gens vont commencer à faire des résolutions en décembre. Et tu vas dire que lorsque tu retournes à la maison, la résolution que tu as fait le matin, là, tu as fait le matin, il y a des gars, tu as même oublié, parce que les démons t'attendent à la maison. Ce sont des réalités. Ça arrive, non? On fait beaucoup de résolutions, mais on n'a pas réalisé ces résolutions. Hey. De la joie. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Tu es sapé ce matin. C'est pas facile. Je vais prendre une photo avec toi ce matin. De la joie. Oh là là, de la joie. Ok, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 23. On n'a pas beaucoup de temps ce matin. Ok. Marc chapitre 1, verset 23. La Bible dit quoi? Marc chapitre 1, verset 23. La présence de Dieu défie les démons. Marc chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en agitant avec violence et en poussant un cri, un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que c'est ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alléluia. Yeah. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais que tu es, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas commencé à chasser les démons. Il a dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Il a commencé à crier avant que Jésus ne commence à commander. C'est ça, non? Il a commencé. Donc, lorsque la parole de Dieu vient, les démons quittent. Les démons reconnaissent la parole. Et je veux répéter encore, encore. C'est pourquoi les chrétiens n'aiment pas la parole. C'est pourquoi. Ce sont les démons qui font. C'est pourquoi les chrétiens ne veulent pas venir à l'église. Parce que le démon sera dévoilé. Hein? Voilé ou bien dévoilé? Dévoilé. Yeah. Le démon sera dévoilé. Les démons. Les démons. Alléluia. Yeah. Et je vous ai dit, lorsque tu viens et puis tu te sens très mal, lorsque la parole de Dieu vient, et puis tu te retrouves dans la parole de Dieu, et tu te sens très mal, c'est un démon. C'est un démon qui fait ça. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Yeah, c'est un démon. Il veut sortir. Il veut sortir. Alléluia. Il part. Il n'aime pas cette parole. Alléluia. Il n'aime pas cette parole. Et comme ce gars-là a commencé à parler, qu'y a-t-il entre nous et toi? Yeah. Commence à critiquer. Commence à parler contre la parole de Dieu. Yeah. Commence à critiquer le pasteur. C'est ce qu'il a fait ici, non? Commencer à critiquer Jésus. Yeah. Donc tu vas voir que ta parole vient, tu dis non, tu commences à parler contre ce que je dis. Yeah. C'est ça. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est ça les démons, c'est ce que les démons font. Ils n'aiment pas la parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc la présence de Dieu défie les démons. Les démons n'aiment pas la présence de Dieu. Et la parole de Dieu, la présence de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, l'atmosphère est chargée de la puissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est puissante, c'est tranchante, qui pénètre, qui touche les choses que les doigts ne peuvent pas toucher, qui touche les cœurs. Alléluia. Qui va dans les moelles, dans les os. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est puissante. C'est pourquoi la Bible dans Éphésiens chapitre 10 dit, notre arme, l'épée du chrétien, l'arme du chrétien, c'est la parole. Alléluia. L'arme du chrétien. Si tu n'as pas la parole, tu es désarmé. Tu es exposé aux démons. Tu es exposé aux esprits impurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? Yeah. Et dimanche passé, on a parlé un peu de quoi? Les pensées, les imaginations. Hein? Vous comprenez, non? Les pensées, les imaginations, les idées. Satan vient avec des idées, des suggestions, des imaginations, une pensée qui est contre la parole de Dieu. Hein? C'est très fort. C'est ce qu'il utilise depuis, le jardin. Imagination, suggestion, te suggère. Ah. Imagination. Donc la parole de Dieu est contre. Lorsqu'on prêche la parole, ça vient et puis ça annule ces imaginations, ces idées que tu as. Alléluia. Yeah. Yeah. Et avec des suggestions, te dit des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Satan vient te dire des choses qui ne sont pas vraies. Il dit que toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu n'es pas une bonne fille. Yeah. Il dit les choses qui ne... Toi, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. La fille qui chante ici, là, tu ne peux pas chanter. Yeah. Il dit ça. Toi, tu ne vas pas réussir. Tu n'es pas comme l'autre. Tu vois l'autre là. L'autre là, il est bien. Il vient d'une bonne famille. Toi, ta famille, ce n'est pas une bonne famille. Yeah? La Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Yeah? La famille de Dieu. La famille de Dieu. Donc tu vas te dire, ah mais donc notre famille là, nous on ne se marie pas, on ne se marie. Tu es de la famille de Dieu. Et tu vois, les suggestions là, parfois, c'est vrai. Oh. Yeah? Ta famille, peut-être que ta famille... Personne n'est marié. C'est ça, non? Donc, le diable apprend ça. Toi, tu vois ta famille là. Ta soeur, ton frère, tout le monde, vagabond, des choses comme ça. Et voilà, on est amis, il y a des quoi. Il n'y a personne qui est allé à l'école. Personne ne s'est marié. Il y a l'une qui s'est mariée, mais dans 2 mois, elle est retournée à la maison. Tout ça là. Donc, Satan vient avec ça. Mais la vérité est que tu es né de nouveau et tu es d'une autre famille. Et comment est-ce que tu vas savoir ça? C'est dans la parole. Donc si tu n'as pas la parole, tu es désarmé. Tu es désarmé. Le diable prend ça et puis c'est fini. Toi, c'est fini. C'est fini. Nous sommes d'une famille de Dieu. Nous sommes héritiers. Yeah? Nous sommes héritiers. Et Jésus, la Bible dit que Jésus est le premier fils. Nous sommes héritiers. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Bon, imagination. Maintenant, quelle est l'idée que tu as? Quelles sont les idées que tu as ici? Quelles sont les suggestions du diable pour toi? C'est la question. Hein? Et dimanche passé, il ne faut pas oublier, je vous ai donné un test. Vous connaissez le test là? C'est dans quel verset? Philippiens 4, 8. Toute idée, toute suggestion, toute pensée, toute imagination doit passer le test de Philippiens 4, verset 28. Si cela ne passe pas le test, ça ne doit pas être l'objet de tes pensées. Vous comprenez? Vous comprenez? Yeah, donc Philippiens 4 dit quoi? Philippiens. Ouvre la Bible. Philippiens 4, verset 28. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Hein? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. La pensée là, est-ce que c'est vrai? Ok, peut-être c'est vrai, est-ce que c'est honorable? Peut-être c'est vrai, ou bien, comme la famille, on dit que la famille, tout le monde, les gens ne sont pas mariés dans ma famille. Donc moi aussi, le diable te dit que toi aussi, tu ne vas pas te marier. C'est ça, non? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est honorable? Non, c'est pas honorable. Donc ça ne passe pas le test. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Hein? Est-ce que ça mérite approbation? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Ah, il a raté le test. Il n'a pas passé le test. Ah, donc toute pensée, toute imagination, toute idée, alléluia, toute suggestion du diable, toute suggestion, toi, il faut te dire, bon, toute pensée qui va venir, je vais voir si ça peut passer le test. Donc, si ça ne passe pas le test, c'est pas une bonne idée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, bien, la présence de Dieu défie les démons. Les démons n'aiment pas. Donc, si tu as envie, cette envie-là, ce désir, cette envie, oh, tu te lèves dimanche matin, tu n'as pas envie de venir à l'église. L'envie-là, c'est les démons. Ça ne passe pas le test. Yeah, ça ne passe pas le test. Alléluia. C'est le démon. Hein? C'est le démon. On ne vit pas la vie de quoi? On ne vit pas par les quoi là? Les sentiments. Hein? Les sentiments sont, c'est la chair. La chair. Et la chair est toujours contre la parole de Dieu. Hein? La chair, il faut vérifier. La chair compte toujours. Compte toujours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là. Est-ce que l'idée là passe le test? L'idée là que tu as, la pensée là que tu as,